Les manœuvres américaines sud-coréennes se déroulent pour de bon, et dans ce contexte, les tentatives américaines de la première frappe contre notre République s'avèrent plus réelles. Depuis le 10 mars, ils ont déplacé à la dérobée sur la mer de l'Est de Corée la flottille de frappe composée des porte-avions nucléaires Calvinson, croiseurs engins téléguidés Lake Champlain, destroyers Aegis Michael Maupin et Mayo pour se mettre aux exercices de raid contre les régions nord-coréennes. Rien que le 11, beaucoup d'appareils basés aux porte-avions ont pris vol le long de la route tout proche de l'espace et des eaux territoriales du Nord, en vue des exercices de bombardement et de raid contre les objectifs terrestres du Nord.